Vers 9 heures, tandis que la grand-messe sonnait à toutes les paroisses, ils gravirent les pentes du fort Saint-Quentin, au milieu des vignes et des ronces. Et parfois, le long des murs, la clématite embaumée et les poiriers lourds de fruits se penchaient. Quelques paysans qu'ils croisèrent dans les 3 sentiers pierreux plaisantaient, causaient en français, ce qui étonna Monsieur Asmus. Ses amis lui dirent « Ces gens-là, ils apprennent l'allemand à l'école, puis ils vont au régiment. » Eh bien, rentrés chez eux, ils se mettent à parler leur patois français. Ils ajoutèrent à cette explication des propos violents contre les indigènes, et l'on voyait que le traité de Francfort n'a pas mis fin à la guerre dans le pays messin. Ces professeurs étaient tous venus en Lorraine, avec l'idée d'y trouver un peuple satisfait de la conquête, et ils ressentaient une sourde irritation de se voir évités par les vaincus. Aussi écoutaient-ils avec complaisance l'un d'entre eux, pan-germaniste fougueux, affilié à la vaste association qui compte sur la force pour assurer la domination universelle de l'idéal allemand. Monsieur Asmus ne demandait qu'à s'enorgueillir avec ses compagnons de la victoire de leur père, mais il se préoccupait surtout d'en tirer parti, et quand le pan-germaniste cherchait le meilleur moyen d'empêcher les Lorrains de parler leur langue, il aurait trouvé plus intéressant qu'on lui dit de quelle manière il pourrait les fréquenter et perfectionner son français. Ils gagnèrent ainsi l'étroite terrasse où la petite église, couverte de ses longues ardoises, est assise au milieu d'arbres ébouriffés. Devant eux s'étendait un pays à la mesure humaine, vaste sans immensité, façonné et souple, et près de sa rivière, Metz toute plate au ras de la plaine, et que spiritualise le vaisseau de sa haute cathédrale. Cette fin de septembre est l'époque la plus charmante de la Lorraine. Peu de pluie, du vent rarement, une température stimulante, et les vignes à la veille d'une joyeuse vendange. Ce matin-là, le ciel, les miroirs d'eau, les prairies, composaient un de ces paysages d'automne lorrain où les couleurs les plus éblouissantes d'argent et de vert s'harmonisent pour nous procurer un long repos de rêverie. Ils n'en comprirent pas la délicatesse, et s'accordèrent à proclamer qu'ils avaient dans la vieille Allemagne de plus grands paysages. Il manquait à ces jeunes gens, venus d'un ciel où la Walkyrie chevauche les nuages, d'avoir été élevés à sentir qu'il y a dans la simplicité de notre nature une suprême élégance. Et puis, ils ne distinguaient rien des trésors spirituels qui reposent dans les terres étendues sous leurs yeux. Certes, pour eux, ce panorama n'est pas vulgaire, c'est celui de leur victoire. Mais cette idée constante à la longue est trop simple. Si je circule parmi ces douceurs mosellanes, j'y trouve des images qui sont d'humbles amies de mon enfance et que mon cœur ne peut revoir sans attendrissement. Elles m'emplissent d'un courage paisible où je prends une force égale pour agir et pour renoncer. Mais un jeune Prussien tout neuf, que peut-il glaner derrière nos pères et sur des champs qu'ils ont aménagés? Il nie et désire détruire, ce fils de vainqueur, tout ce qui ennoblit cette terre et peut y produire une fermentation. Où je trouve mon équilibre et ma plénitude, il ne s'accommode pas. Ce premier dimanche qu'il monta sur le plateau de Scie, le professeur Asmus, mal éveillé à cette nouvelle atmosphère, gardait une solide santé allemande. Il ne subissait pas encore cette électricité lorraine qui attire, repousse, désoriente les gens d'outre-Rhin. Il ne connaissait pas d'une manière vivante le problème qui émouvait ses amis, le problème du devoir et de la destinée d'un loyal allemand en Alsace-Lorraine. Aussi n'était-ce que pour la joie du rythme, avec la candeur d'un enfant qui ne voit pas le danger, qu'à la descente il se joignit à ses camarades et entonna la chanson du Rhin, le bolide, où, une fois de plus, les races de là-bas ont trahi leur désir et leur effroi. « Au Rhin, au Rhin, ne va pas au Rhin !»« Mon fils, mon conseil est bon, la vie t'y paraîtra trop douce, ton humeur y deviendra trop joyeuse. » Tu verras des filles si vives et des hommes si assurés, comme s'ils étaient de race noble, ton âme ardemment y prendra goût, et il te semblera que ce soit juste et bien, et dans le fleuve la nymphe surgira des profondeurs, et quand tu auras vu son sourire, quand la Lorelei aura chanté pour toi de ses lèvres pâles, mon fils, tu seras perdu. Le son t'ensorcellera, l'apparence te trompera, tu seras pris d'enchantement et de terreur, tu ne cesseras pas de chanter « Au Rhin, au Rhin !» et tu ne retourneras plus chez les tiens. » Cette chanson exprime le rapport de ces jeunes Allemands avec cette vallée d'une manière plus profonde que M. Asmus ne peut le savoir à cette heure. Mais cette terre nouvelle va très vite l'avertir. Il écoute, regarde, tout l'intéresse. Il porte ici la complaisance de ces pèlerins du Nord, qui, descendus vers les contrées bénies, sur la rive du lac Eudegarde, s'émerveillent des premiers oliviers. Un jour que M. Asmus traversait le jardin d'amour, il s'arrêta pour y regarder la récréation des enfants. Beaucoup de petites figures encore villageoises, coiffées de casquettes, des tabliers bleus, de longs cache-nez. Il formait dans cet espace assez étroit, sous les grands arbres auprès de la Moselle, 20 groupes excités par des jeux d'hiver. Ici, une file courait à la queue-leu-leu. Là, un isolé, les mains dans les poches, dansait pour se réchauffer. Cet autre s'élance sur le dos d'un camarade de cheval, qui part au galop, foyé par un palefrenier. Un brutal rosse, un molonnette, qui vient de lui chiper une agate. Une bande à cour indignée. Deux gamins se balancent sur une poutre. Un petit malheureux qui s'enfuit derrière un abri, heurte et culbute dans un tourbillon de chats perchés. Soudain, un meeting se forme, et sur le tout, une clameur. Frédéric Asmus admirait cette vivacité et cette gentillesse, avec un cœur pacifique de géant. Dans cette diablerie lorraine, il ne reconnaissait pas encore un des calots qu'il examinait chaque jour à une vitrine de la rue des Jardins, soit la foire de l'Imprunetta, soit la planche des supplices, où le maître de Nancy, en gravant tout un océan de petites figures qui se pressent, courent à leurs affaires et se mêlent sans se confondre, à prouver que le sujet le plus ample peut tenir avec toute sa force dans l'horizon, le plus réduit. Il songeait avec bienveillance que ces petits garçons feraient de bons et loyaux germains, et que c'était son digne rôle de professeur de leur apporter une vie plus large, plus vertueuse, une vraie renaissance. Mais soudain, l'un d'eux vint à glisser et parut s'être blessé. Ses camarades qui l'avaient poussé l'entourèrent en baissant la voix. L'Allemand s'approcha et dit en français « As-tu mal ?»« Non, non, » répondit vivement l'enfant. C'était un joli petit Messin, mais déjà avec le regard de l'homme qui ne se laisse pas molester. Il avait sous le nez et sur le menton deux moustaches et une magnifique impériale, tracée avec un bouchon brûlé, comme c'est l'usage des gamins de Metz quand ils jouent aux soldats. Son genou saignait d'une bonne écorchure. L'Allemand prit dans son portefeuille une bande de taffetas anglais. Mais le petit ne voulait pas qu'il le touchât. Et comme un rassemblement se formait, le professeur lui dit « N'aie pas peur, sais-tu bien qui je suis ?» Il voulait faire entendre qu'il était un maître, un ami des enfants, mais le petit Lorrain de répondre « Toi, tu es le Prussien de chez Madame Baudoche. » Ce mot et les rires qui l'avaient accueilli furent la première expérience lorraine que le professeur enregistra. Il en fit toute une série de réflexions dans une lettre à sa fiancée. « Mes collègues, lui écrivait-il, m'avaient un peu choqué l'autre matin, durant la promenade que je t'ai racontée, par leur malveillance envers les habitants de ce pays. Mais voici que ma petite aventure avec ce gamin me fait reconnaître qu'il raisonne sur des faits. T'avouerai-je que les rires de ces badauds n'ont pas été sans m'attrister. Je laisse de côté la question du ridicule personnel. » Mais j'ai vu mépriser un sincère mouvement de mon cœur. Je crois qu'ici l'on se moque de tout. Pourtant, ce n'était là qu'une note isolée, au milieu des sensations agréables que M. Asmus recevait de toutes parts. Des détails matériels, qui ne disent rien aux indigènes, l'étonnaient et l'enchantaient. Ainsi, le premier feu de bois qu'à la fin de septembre, il alluma dans sa cheminée. Pour ce Prussien qui n'a jamais vu que des poêles, c'est une nouveauté et un plaisir de corriger les copies de ses élèves assis dans un commode fauteuil en pierre, tandis qu'une douce flambée anime et fait briller les meubles bien frottés. Assurément, s'il jouit de la bonne aération de sa chambre, ce n'est pas qu'il en soit déjà à mépriser la sauvage coutume de ses compatriotes, qui, dépourvus de draps et de couvertures, transpirent depuis des générations sous le même édredon immense. Et de même, s'il se plaît à promener son regard dans un logement où les murs n'offrent pas des assiettes en carton décorées d'hirondelles, où la cheminée ne s'énorgueillit pas d'hommes illustres en plâtre badigeonné de bronze, où même fait défaut le fameux bouquet Macquart, composé de grandes gerbes qu'affectionne la poussière, ce n'est point qu'il se rende compte de l'absurdité de ses compatriotes, qui ont la manie de tout couvrir d'une camelote de bazar, où l'œil ne s'accroche à rien. Mais, à son insu, dans ce garni messin, il subit l'agrément d'une certaine supériorité d'hygiène et de goût. Et à vrai dire, il n'y fallait pas voir une réussite de l'excellente Madame Baudoche, mais plutôt l'effet modeste d'une vieille civilisation. Le caractère de cet intérieur était donné par une armoire lorraine, en beau noyer bien poli, de style Louis XV, avec ses portes moulurées, ses minces fleurs sculptées en relief et ses longues entrées de serrures en fer ajouré. Monsieur Asmus n'était pas à même de goûter ce chef-d'œuvre de menuiserie fine et rustique, mais il avait remarqué, dès le premier moment, sa pendule où Napoléon tenait le petit roi de Rome sur ses genoux, et aux murailles, quatre belles gravures, le serment du jeu de paume par David, un portrait de Monsieur Thiers, libérateur du territoire, et puis deux belles œuvres d'un artiste romantique peu connu hors de sa ville natale, Aimé de Lemude, représentant l'une un jeune calot qu'une belle bohémienne entraîne vers l'Italie, l'autre le cercueil de l'empereur, porté sur les épaules de ses grenadiers et qu'accompagne, comme un vol d'ombre, la grande armée sortie des tombeaux. M. Asmus trouvait pittoresque, amusant d'être enveloppé d'images françaises, comme d'avoir les oreilles battues par des mots français. Il attendait un grand profit de cette atmosphère si nouvelle. Jusqu'au fond de sa chambre, il participait à la vie de ce vieux quartier, à l'animation du quai et de la rivière. Il aimait à regarder le frémissement de l'eau, les grandes herbes mouvantes, les barques et les brouillards. Et quand il travaillait à sa table, il avait encore une complaisance pour le bruit de la fontaine, emplissant le seau des servantes, pour les ébats des gamins, et même pour l'aboiement des bons chiens autour de leur maître. Il s'exerçait à reconnaître le martèlement discipliné du pajarmin ou le glissement plus libre des indigènes. Il écoutait sans impatience à travers la cloison le bruit régulier de la machine à coudre des dames Baudoche, et multipliait les occasions de frapper à leur porte, de leur demander un objet, un petit service. Qu'il est indiscret, pensait la vieille dame. Mais elle mettait son amour-propre de ménagère à ce qu'il ne manquât de rien, pendant que la jeune Colette disait avec bonne grâce les bonjours et les bonsoirs classiques. Cette urbanité trompait M. Asmus, qui n'était pas né pour comprendre les nuances. Avec sa bonne nature un peu épaisse, mal dégrossie, il appartenait à cette espèce de fâcheux qui croit que la franchise et la cordialité ont tous les droits. Peut-être aussi jugeait-il qu'un professeur honore une loueuse de garni s'il veut créer avec elle une honnête familiarité. Parfois, à la fin de la journée, il faisait une promenade. Il sortait de la ville et s'en allait seul, au hasard, dans les proches alentours. Il marchait volontiers le long de la Moselle. Il se plaisait à la douceur de l'eau bruissante et des voix traînantes qui parlent français. Il écoutait glisser le son des cloches catholiques sur les longues prairies. Il voyait au loin les villages se noyer dans la brume et se laissait amollir par ces vagues beautés. Dans une de ses courses, son regard passa avec indifférence sur l'humble château aux quatre poivrières où mourut le maréchal Faber. Quand l'harmonie des objets matériels avec leur sens moral est parfaite, celui qui les contemple en reçoit un merveilleux plaisir de sérénité. Mais le jeune promeneur ne savait pas distinguer les âmes du pays messin. D'autres fois, il montait sur la route de Sainte-Barbe, au-dessus des vignes fameuses, toutes rouges à cette saison, qui presse recouvre le village de Saint-Julien, parsemé d'arbres fruitiers. Dans la brume, les grands peupliers, les eaux de la Moselle, les prairies, les clochers bruissants de Metz se liaient, devenaient un seul corps solide et délicat, le signe d'une pensée inexprimable. La pensée messine remplissait l'horizon, posée sur des pâturages paisibles, et nuancée par les derniers feux du soleil qui se couchait en France, derrière le fort Saint-Quentin. Frédéric Asmus pressait le pas pour revenir au grand feu clair de son logis lorrain. Il croisait des cyclistes, les cloches sonnaient à Saint-Julien, le ciel et les chemins rougeoyaient de ce crépuscule prolongé. Ce jeune étranger, qui ne s'était pas encore fait d'amis, eût été heureux d'avoir quelque objet vivant avec qui, en toute sympathie, parler de ce pays, de sa famille et de sa patrie. C'était l'heure qu'il choisissait le plus volontiers pour écrire à sa fiancée, en attendant que Madame Baudoche lui apportât son thé et sa charcuterie. À cet instant du souper, la vieille dame le laissait aller à causer avec plus d'abondance. Monsieur Asmus faisait des phrases pour employer les mots de son vocabulaire. Il priait qu'elle les rectifiât, et s'exclamait sur les délicatesses de la langue, le tout avec un tel plaisir qu'il eût volontiers oublié que ses collègues l'attendaient à la brasserie. Un soir, l'heure venue de les rejoindre, il ouvrait la porte du palier pour sortir, quand une petite fille se glissa dans le corridor, comme une souris, suivie d'un plus petit garçon. Il saisit le bonhomme par la main et commença de lui demander son nom. Mais l'enfant l'entraîna vers la cuisine, et sur le seuil, M. Asmus aperçut Mademoiselle Colette, toute rougie par la pleine lumière du fourneau, et qui, sans s'interrompre de casser des œufs, dit gaiement « Tu ne crains pas le monsieur, ta maman vous a déjà conduit à l'hôtel de Saint-Blaise, qui guérit de la peur. » Les deux enfants, muets et serrés contre leur ami, surveillaient avec une extrême vivacité du regard les mouvements de l'étranger. « Ce sont des petits crosses, expliqua la jeune fille. « Leur père est votre compatriote. Il a épousé une messine que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, elle est dehors, et je leur prépare une fameuse soupe. » Colette avait le don de plaire et d'éveiller un sourire sur le visage de tous ceux qui la regardaient. Ce digne et royal Germain, qui n'avait jamais cherché auprès de cette petite Lorraine que l'art de prononcer les mots, s'attardait devant cette humble poésie confiante et pensait « Cela, c'est une scène digne d'une jeune fille allemande. » Sur la fin du mois, en réglant son premier terme, M. Asmus demanda à Mme Baudoche s'il ne pourrait pas, de temps à autre, après le souper, venir faire un bout de causerie. La logeuse craignit, si elle repoussait ce désir, que l'Allemand n'émigrât dans les quartiers neufs, et le 16 octobre, vers 8h30, M. Frédéric Asmus, au lieu d'aller à la brasserie, passa dans la salle à manger de ces dames, qui avaient terminé leur repas et mis en ordre leur ménage. Tous trois s'assirent autour de la table ronde et sous la lueur de la lampe. Le professeur avait fait monter de la bière. Il en offrit à ses hôtes, qui n'acceptèrent pas. Colette avait enlevé son tablier de travail. Elle était penchée sur un ouvrage de couture, et la lumière l'éclairait doucement. La grand-mère, de temps à autre, interrompait sa besogne pour regarder l'étranger et marquer quelque sympathie à ses efforts de prononciation. Et lui, sa pipe à la main, en face d'une cruche de bière, dont le couvercle d'étain portait gravé les insignes de son ancienne corporation d'étudiants, il faisait vraiment un prodigieux bibelot. La conversation fut d'abord difficile, mais M. Asmus, fixant les yeux sur le vaisselier, couvert de belles assiettes et gloire de la pièce, fit une remarque. Il observa que les volets et les tiroirs étaient ornés des mêmes pampres que l'armoire de sa chambre. Ce fut une occasion pour Mme Baudoche d'expliquer que le mobilier populaire lorrain se compose de l'armoire, du vaisselier, du pétrin, de la table, du lit et des chaises, et qu'il emprunte ses motifs décoratifs à la flore du pays. Au château de Gorzé, certes la famille de V possédait des meubles en bois de rose et de violette, et il en allait de même dans toutes les grandes familles messines. Mais les gens de goût appréciaient aussi les meubles de campagne bien construits. M. Asmus, qui s'était levé pour mieux examiner le bahut et les assiettes, dit que tout cela ressemblait à l'air populaire allemand. « Ah, vous croyez ?» s'écrièrent les dames. Il eut un silence que M. Asmus eut peine à comprendre. Il revint s'asseoir muet et réfléchissant. Après quelques tâtonnements, Metz leur fut un thème inépuisable de causerie. Le professeur admirait les immenses quartiers neufs tout autour de la gare. « Monsieur Asmus, » demandait Colette, « pourquoi avez-vous mis sur votre gare des tuiles vertes? Les vaches des paysans ont envie d'y brouter. » « Et l'esplanade, » disait la mère, « c'est malheureux d'avoir dépensé tant d'argent pour la gâter. Des fontaines où l'on voit des grenouilles, debout sur leurs pattes de derrière, qui dansent en buvant des chopes. Passent encore dans une brasserie, mais sur un monument public. Cela manque de dignité. Et l'écusson de Metz, vous le faites tenir par des crapauds. La belle innovation. » Ces dames répétaient là des plaisanteries qu'elles avaient lues dans leur journal, car les vieux messins ne tarissent pas sur le style néo-schwab, mais sous ces arguments empruntés, il y avait toute leur sensibilité. Espacés de 50 ans sur une même tradition, la grand-mère et la petite fille résonnaient des mêmes chocs. Ce qu'elles sentaient très bien et ne savaient pas dire, c'était à peu près ceci. Vous anéantissez des aspects qui sont liés à toutes nos vénérations. Vous coupez les arbres et comblez les puits de notre Lorraine morale, et les formes que vous construisez, nous n'y avons pas de place. » Madame Baudoche aimait l'ancien Metz, les vieux remparts, leurs fossés remplis d'eau de la Seille et de la Moselle, leurs ombrages de peupliers, sous lesquels tant de dimanches, elle avait vu galoper les jeunes officiers de l'école d'application. Toutes les maisons, hôtels aristocratiques ou modestes demeures, lui racontaient des vies messines, du courage, de l'honneur et des mœurs courtoises. Il y a des fêtes locaux, chargées d'hommes, qui restent en dehors de l'histoire, seulement parce que personne n'est là pour les écrire. La vieille femme les avait vues et retenues. Tout au long du XIXe siècle, elle savait mille aventures de guerre, d'amour et d'argent, des romans, des faillites et des fortunes surprenantes, une suite d'anecdotes vivantes et de portraits, des commérages, si vous voulez, mais qu'un Stendhal eût aimé. Peut-être que Colette aurait-elle même jugé que c'était des histoires ressassées, des ravotes, disait-on là-bas. Mais elle les entendait avec plaisir, en voyant qu'elle faisait admirer sa mère par cet étranger. Monsieur Asmus écoutait, bouche bée, comme il aurait suivi le cours de quelques maîtres autorisés. Il entrevoyait une civilisation nouvelle pour lui, et toute fière. Il aurait volontiers prolongé dans la nuit une conversation si instructive. Mais entre 10h05 et 10h précises, la petite cloche d'argent, qu'on nomme Mademoiselle de Turmel, sonnait le couvre-feu à la cathédrale, et Madame Baudoche se levait. Les deux femmes souhaitaient bonne nuit aux locataires et se retiraient dans leur chambre. Au dehors, il pleuvait, neigeait, et les fouettées brutales du vent lorrain, un vent guerrier auquel rien ne résiste, battaient les rues étroites, souvent salies d'un noir et des gels. Mais la pluie, le vent, la boue aident l'imagination à ramener sur un paysage et sur un édifice le temps jadis. Le professeur s'en allait voir méthodiquement de ci, de là, dans Metz, ce que lui signalait Emmanuel. Telle était sa conscience que sous la porte serpenoise, il s'arrêtait pour entendre le pas des légions romaines, qui arrivaient de Scarpone. En haut de Sainte-Croix, il ne douta pas que la tour Saint-Livier ne fût le palais même des rois d'Austrasie. L'un des premiers, il admira la chapelle des Templiers, dégagée par la destruction de la citadelle. Sous les basses arcades de Saint-Louis, les petits commerces de casquettes, de chaussures et de lunettes ne l'empêchèrent pas de voir les changeurs lombards du Moyen-Âge. Et quand il visita la charmante église romane de Saint-Maximin, où Bossuet a prêché contre les protestants avec la manière d'un général refoulant une armée ennemie, il lui vint un désir d'entendre ces fameux orateurs français. Au milieu de ses courses, il rencontrait à tout moment les innombrables wagonnets, aux essieux criards, qui transportent les décombres des vieux remparts, jetés bas à coups de mine. Il en recevait une vague inquiétude. Il entrevoyait confusément qu'à Metz, il a existé une société polie, une forme de culture qui s'en allait avec cette citadelle. Ses collègues voyaient-ils tout à fait juste en se félicitant de ses ruines? Pour sa part, il se réjouissait des nombreux renseignements qu'il pourrait accumuler, grâce à sa logeuse, sur une période en démolition que ses livres ne contenaient pas. Et le soir, fort excité, il multipliait ses questions. Madame Baudoche se prêtait avec complaisance à cette curiosité. Parfois, cependant, les paroles de l'Allemand venaient effleurer ce qu'il n'est pas permis aux étrangers de connaître. Alors elle se taisait. La vieille Messine avait vu les malheurs du siège et les convulsions de la journée du 20 octobre 1870, où fut affichée la proclamation de Bazaine à l'armée du Rhin, tandis que les régiments signaient des protestations pour demander à se battre et que des bandes d'ouvriers et de bourgeois parcouraient les rues avec des drapeaux sous le tocsin de tous les clochers. Mais de cela, on ne parle jamais avec un homme d'outre-Rhin, pas plus qu'en dehors d'une famille, on ne raconte comment le père a rendu l'âme. D'ailleurs, ces dames ne vivaient pas exclusivement comme leurs locataires dans le royaume des méditations historiques. Il arrivait souvent que les petits crosses descendaient pour attendre leur mère. Colette se livrait avec eux à une sorte de blague, à la fois douce et un peu sèche, comme pour former des enfants de troupe. Puis Madame Crosse arrivait, et la conversation, se détachant plus encore de M. Asmus, semblait délestée, délivrée, et courait à travers les rues de la ville. Ces dames passaient en revue tout leur petit monde messin, et oublieuses du professeur, qui se taisait, elles ne respectaient pas toujours sa délicatesse nationale. Madame Crosse avait une verve naturelle et excitée, et un peu aigrie par les déboires de son mariage avec un Allemand. Celui-ci portait à la brasserie tous ses salaires, Elle y supplée en aidant au ménage chez un conseiller intime. Et sur le luxe apparent de ce ménage étranger, elle rapportait régulièrement 1000 colibets, anecdotes et mépris, qui faisaient la joie du quartier. Monsieur le conseiller avait un fumoir et un cabinet de travail. Madame la conseillère, 2 salons. Mais les 3 fraulaines couchaient dans une seule chambre, grande comme la main, meublée de lits misérables et d'armoires de 4 sous. On donnait de grands dîners d'apparat. Mais à l'ordinaire, on se nourrissait de charcuterie. C'était au sujet de la bonne, la pauvre Mina, qui s'épanouissait avec le plus de force les dégoûts de Madame Cros, soit qu'elle racontât comment Mina s'arrangeait pour ne pas mourir de faim avec les diftenings qu'on lui laissait les soirs de liberté, soit qu'elle joua la scène de Madame la conseillère, disant à la pauvre servante « Ma fille, c'est à choisir, vous aurez 15 marques avec la clé ou 20 marques sans la clé. » Et Mina avait pris la clé de la rue s'entend, car elle avait un pays dans les dragons. « Quelle mœurs !» disaient les 3 femmes devant M. Asmus accablé. Et Mme Baudoche se chargeait de tirer la moralité pour tous, en disant qu'on avait connu de vrais riches avant la guerre. Mme Cros remontait chez elle, et l'atmosphère plus apaisée, le professeur convenait de l'orgueil des fonctionnaires et disait « Ils ont la mauvaise habitude de tout dépenser pour la façade, ils se corrigeront. » Et puis il ne fallait pas juger le peuple allemand sur une poignée de parvenus, sortis de leur milieu naturel. À Metz, il le voyait bien, on avait de l'argent depuis longtemps. Avant la guerre, monsieur le professeur, nous comptions 200 millionnaires qui n'avaient pas de morgue. Quand les gens de mon âge seront partis, on ne saura plus ce qu'il y avait ici de fortune et de bienveillance. C'était un spectacle de voir Madame Baudoche et Colette s'énorgueillir des 200 millionnaires dont elle n'était pas, et l'Allemand considérait avec admiration la vieille opulence de cette noble cité, où le riche était discret. Ainsi Frédéric Asmus commençait de sentir la grande dignité de la ville de Metz. Et maintenant, quand ces dames parlaient, ce n'était plus seulement des leçons de grammaire et d'accent qu'ils recevaient, mais des principes de civilisation. Par une sorte de riposte instinctive, et pour donner une haute idée de ses compatriotes, Madame Asmus, à certains soirs, tirait de sa poche une lettre de sa fiancée, dont il lisait les plus beaux passages, généralement philosophiques. « Comme elle est instruite, disait Colette. » Il offrit à la jeune fille de lui prêter des livres. « Je ne sais guère l'allemand, disait-elle. » Il proposa d'emprunter des ouvrages français à son collège, où l'on avait tous nos grands classiques. Mais Madame Baudoche, pleine de pitié pour cet allemand, qui voulait apprendre quelque chose de français à des Messines, alla chercher dans une armoire à glace plusieurs années de l'Austrasie, la vieille revue qui, pendant près d'un siècle, groupa l'élite de la province et dont il n'est pas de famille qui ne possède quelques numéros. On peut apprendre là-dedans, dit-elle, tout ce qu'il y a de beau dans tous les pays. On y voit du moins un élégant miroir de la société polie à Metz durant le 19e siècle. Les Messins croient l'aimer, parce qu'ils y retrouvent leur lecture de l'enfance, mais c'est aussi qu'elle a le degré de romantisme qu'ils peuvent accepter, du coloris plutôt que de la couleur, de l'exotisme juste autant qu'un vieux soldat désire en rapporter dans sa maison natale. Et certes aucun cri de révolte. Les imaginations messines furent toujours modérées, gardées par la discipline militaire. Mon grand-père, ayant collaboré honorablement à la gloire de la Grande Armée, rapporta du fond de la Prusse et de l'Espagne, à défaut de titres et de dotations, quelques volumes bien choisis. Et dans la petite ville mosellane, où il prit sa retraite, il aimait à s'instruire sur les pays qu'il avait traversés, en même temps qu'il rédigeait ses souvenirs. Les soirées de ces vieux soldats m'éclairaient sur le génie de ces messieurs de Metz. Mais dans l'Austrasie, à côté d'études sur les gloires toutes fraîches des Lorrains au service de la France, on trouve un hommage perpétuel aux franchises de Metz et au loyalisme de la Lorraine pour ses ducs. Voilà 2 traditions, loin de se combattre l'une et l'autre, plantées dans un sol vigoureux, s'entrelacent pour mieux résister. Leur bon accord ne surprendra pas. Ces enfants de Metz, qui dans leur belle vigueur amassent une brillante suite d'images sur les champs d'Algérie, de Crimée et d'Italie, n'ont pas été trouvés orphelins au bord d'un fossé sans histoire. Ils sont nés d'une illustre cité gallo-romaine et catholique, posée pour faire ressurgir la guerre d'Allemagne et éternellement. Le grand courant d'air du Rhin agite tous les feuillets de l'Austrasie. Je l'avoue, c'est en disant à peu près comme ces messins que je suis le plus aisément vrai avec moi-même. Je m'ennuierais vite d'un esprit soustrait aux influences du Rhin. Et pourtant, ce serait trop d'habiter directement sur ce fleuve. L'excellent à mon goût, c'est de communiquer avec lui par les méandres délicats de la Moselle. Monsieur Asmus prit l'habitude de lire à haute voix les articles de l'Austrasie. Les deux dames continuaient à coudre et le reprenaient, s'il avait trop mal prononcé. Mais peu à peu, le récit les intéressant davantage, elles cessaient de l'interrompre. Colette se laissait le plus aisément enlever à leur petite vie. Alors ses mains abandonnaient l'ouvrage. Elle était assise au bord de sa chaise, et penchée sur la table, tout son jeune corps souple dessinait une courbe. Dans cette attitude instable, prolongée, elle semblait avoir une sorte d'oubli animal de soi-même, en même temps que son visage prenait l'expression la plus pure. On voyait bien qu'elle visitait les vieux bourgs de la Moselle, ou mieux encore, qu'elle était auprès du Cid avec M. de Puymaigre.